passe en décochant quatre accords sur mon piano. Que je changerai le temps, que je ferai taire les salauds. Ce n'est pas en écoutant les paroles de cette chanson que je ferai fuir le vent, que je détruirai le son. Arriver à mi-parcours, à bras le corps, mon amour, tenir compte du printemps sans oublier pour autant qu'on nous regarde, qu'on nous regarde, qu'on nous regarde, qu'on nous regarde. Toujours voyager, faire le bordel et s'amuser, découvrir d'autres printemps et toujours narguer les gens. On peut toujours distinguer par la fenêtre les rosiers. On peut toujours aussi écrire des mots à faire sourire. Si on tient compte de la vie, on n'a pas fini d'en rire ou d'en pleurer, ou d'en pleurer, ou d'en pleurer, ou d'en pleurer. Des siennes, la neige a laissé place à des feuilles magiciennes, plus de glace, les bières se brassent, sous les terrasses refleuries, les rêvasseries d'une sauterie dans une prairie se forment dans mon esprit. Je laisserai mes actes écrire mes prochaines strophes, autodidacte, je serai mon propre prof.